aujourd'hui. J'entends la rumeur, est-ce possible? L'homme de mes rêves m'amène sur une île. L'homme que j'adore est amoureux de moi. L'homme que j'adore est amoureux. Aujourd'hui.